Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Holiday Mix. Ce sont 60 minutes de puissance électro maximale qui vous attendent aujourd'hui, de l'électro, de la trance, ou si vous préférez, appelons ça de la trance, comme disent les anglo-saxons. Au programme aujourd'hui, il y aura les nouvelles productions de Stefano Noferini, Arnaud Coste, Wippenberg, Marcel Woods ou encore Daddy's Groove remixé par David Guetta. Mais on va démarrer avec un DJ slovène qui, depuis une dizaine d'années, est considéré comme l'un des grands maîtres de la techno sur la scène internationale. Voici Umek avec Slicing and Dicing. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bye. Les meilleures nouveautés dance floor. 100% clubbing. Avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. We'll be right back. Monsieur Cortez in the mix. We'll be right back. Holiday Mix. Holiday Mix. Avec Monsieur Cortez. We'll be right back. Holiday Mix. Écoute ça. Peace.

Let it out. Free.